reste fidèle à moi-même. Faut se remettre en question. Trop de choses dans la tête, c'est parce qu'on court derrière le bifton. Je prends les enfants, je vais à la mer, histoire de changer d'air. Je suis fatigué, toi-même tu sais, je fume dans cette air. Et quand je repense au passé, y'a trop de choses qui sont passées. Y'a des liens qui sont cassés, c'est effacé puis remplacé. En ce moment je suis dépassé, elle est fraîche, elle est déclassée. Fais pas les pages, hein. Ce qui m'a changé c'est pas l'argent. On a v'là les manches, hein, qui font peur à monsieur l'argent. Jeunesse gâchée, ce qui m'a sauvé c'est pas la chance. Je me revois chargé, en train de faire les deux comptes dans la chambre. Ce qui m'a sauvé c'est pas la chance. Je me vois faire les deux comptes dans la chambre. Là on suit la cadence, peut-être qu'on prendra des vacances. Demain sera meilleur, j'tire la mif d'être pas s'inquiéter. Y'a déjà plus de plafond sur la CB. Jamais je vais me la péter. T'as pas compté combien je vais céder. Et jamais ça va céder. Chaque ta vie n'écoute et possède. Demain sera meilleur. Tu as la mif de ne pas s'inquiéter. Chaque fois qu'on part ailleurs, y'a déjà plus de plafond sur la CB. Jamais je vais me la péter. T'as pas compté combien je vais céder. Et jamais ça va céder. Chaque ta vie n'écoute et possède.